franceinter.fr. Bonsoir. Aujourd'hui, dans Autant n'importe l'histoire, pas de grands personnages, pas de Napoléon, pas de Victor Hugo, pas de héros de la Révolution française ou de la Résistance. Ce soir, c'est l'histoire d'une enfant que je vais vous raconter. Madeleine, huguenote et convertie. Madeleine a 16 ans. Née dans la foi protestante, elle vécut en Normandie au début du XVIIIe siècle et s'est trouvée, sans qu'on lui ait rien demandé, emportée dans les tourments religieux de son époque. Elle vécut, enfin pas tout à fait. Madeleine est un personnage inventé, le temps d'une émission de radio. Mais c'est toute la force de la fiction, redonner un corps, un cœur et une voix à ceux qui dans l'histoire n'ont laissé aucune trace, fêtu de paille dans la légende des siècles. Et s'il y a bien une partie de l'humanité négligée par la grande histoire, ce sont les enfants. Raconter la vie incroyable de Madeleine, c'est rappeler une page un peu oubliée de notre histoire de France, celle où au XVIIIe siècle, des milliers d'enfants protestants ont été arrachés à leur famille, contraints d'abjurer leur foi pour une autre, au risque d'y perdre le goût de vivre et la raison. Mais face au fanatisme religieux, quand au nom d'une foi on se met à préférer Dieu aux humains, la jeune Madeleine, vous allez voir, ne va pas se laisser faire. Porte l'histoire avec Stéphanie Duncan. Jean Bobéro, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien et sociologue. Vous avez publié de nombreux ouvrages, notamment sur l'histoire du protestantisme et sur la laïcité. Alors, vous allez découvrir dans quelques minutes l'histoire donc de cette Madeleine, huguenote et convertie. Mais d'abord, j'aimerais, que, pour bien comprendre l'enjeu de cette petite histoire, que vous nous rappeliez dans la grande histoire ce qu'est le protestantisme en général, une religion qui est assez méconnue. Qu'est-ce qui la différencie du catholicisme? Alors, on va fêter en 2017 le 500e anniversaire de la naissance du protestantisme. Évidemment, c'est Luther, le fondateur au départ du protestantisme. Et puis pour la France, Calvin viendra ensuite. Le protestantisme se veut un christianisme fidèle aux origines, en estimant que le catholicisme a rajouté des éléments qui sont pas bibliques. C'est pour ça que les mots d'ordre du protestantisme, c'est Dieu seul, la Bible seule, la foi seule. Et pas l'intermédiaire. Pas Dieu et Marie et les saints, pas la Bible et la tradition, pas la foi et les œuvres. Vous voyez, donc il se caractérise à la fois par des affirmations et par des refus, et notamment les refus de l'Église catholique telle qu'elle était devenue après le Moyen-Âge et sous la Rome des Borgia, on peut dire. Et plus particulièrement, quelle est la situation des protestants en France à la fin du XVIIe siècle? Alors, à la fin du XVIIe siècle, il y a eu en 1685 la révocation de l'édit de Nantes, mais la persécution, en fait, a commencé dès ce qu'on appelle le règne personnel de Louis XIV, dès les années 1660, où il y a eu des destructions de temples, où il y a eu des tentatives de convertir les gens, soit par la force, il y a eu déjà des dragonnades dans le Poitou, soit par de l'argent, par une caisse de conversion. Et puis, à partir des années 1680, alors là, il y a eu ce qu'on a appelé les grandes dragonnades, qui terrorisaient tellement les protestants. Les dragons, c'était les soldats. C'était les soldats qui logeaient dans les familles et qui avaient tous les droits. Hein, tous les droits, puisque leur but, c'était de terroriser tellement les gens que les gens abjurent et se convertissent. Et puis évidemment, dès que les dragons partaient, les gens tentaient de devenir protestants, mais à ce moment-là, ils étaient relapses. Et il était interdit d'être relapses, donc ils pouvaient être envoyés aux galères, les femmes pouvaient être mises en prison de manière légitime. Et puis donc, il y a eu la révocation de l'édit de Nantes en 1685, mais vous voyez qui a été le point d'aboutissement de ce processus de persécuteur. Et à partir de là, les gens, théoriquement, étaient tous convertis. Ces convertis devaient faire acte public de catholicisme. Et il y a eu ceux qui résistaient vraiment, mais il y a eu ceux qui auraient admis, si vous voulez, que d'être nominalement catholiques, mais qui ont résisté parce qu'on les obligeait, par exemple, à prendre l'Eucharistie, ce qui, pour les protestants, était une idolâtrie, et donc tentaient de recracher l'Eucharistie. Il y a eu vraiment des problèmes terribles. Est-ce qu'il y a beaucoup de protestants donc à cette époque? Pourquoi est-ce qu'ils représentent une menace pour Louis XIV? Ils ne représentent pas vraiment une menace. Il y a à peu près 750 000 protestants en France. La population a diminué par rapport au XVIe siècle, déjà avec la Saint-Barthélemy, les guerres de religion, etc. Mais c'est une menace symbolique parce que Louis XIV dit « un roi, une foi, une loi ». Et donc le fait même d'avoir une foi différente que celle du prince, que celle de l'État, est considéré comme politiquement subversif. Pour ça, vous avez parlé tout à l'heure de fanatisme religieux. Moi, je nuancerais en disant fanatisme politico-religieux. Le fait que la dissidence ou la différence religieuse soit considérée comme une subversion politique. Alors Jean Maubéraud, nous nous retrouvons pour continuer cette discussion passionnante donc sur la répression des protestants en France au début du XVIIIe siècle. Ce sera dans une trentaine de minutes, juste après « Madeleine, huguenote et convertie », un texte original de Tadi McNamara, écrit spécialement pour Auteur n'importe l'histoire. La réalisation est signée Laurence Courtois. Ils sont dans la pièce à côté, attablés dans le salon, de l'autre côté de la porte. Maman m'a ramené de Rouen tout à l'heure. Quand nous sommes arrivés à Dieppe, je n'ai pas reconnu la ville. Ils sont là. Ils m'attendent. Ma mère a invité Isaac et sa petite sœur pour fêter mon retour. Pendant 3 années, j'ai attendu ce moment. Mais je n'éprouve rien. Je ne sais pas pourquoi. Aucun plaisir. Aucune joie. Je ferais peut-être bien de repartir. Oui, sans perdre un instant. De sortir sans bruit et retourner d'où je viens. À la maison des Nouvelles Catholiques de Rouen. Ma place est peut-être là-bas pour toujours. Mais les religieuses ont nettoyé ma chambre et changé mes draps. Elles préparent l'arrivée de la prochaine jeune fille, elle aussi à convertir. Est-ce que j'attends qu'on vienne me chercher ou j'ouvre la porte? Est-ce que je me présente à chacun ou est-ce que je les serre dans les bras? Et eux, que vont-ils voir? Une catholique? Ou une huguenote? Une jeune fille ou une femme? Viens ici. Viens t'asseoir. Dieppe, 1702. Depuis la révocation de l'édit de Nantes en 1685, les protestants de France, qu'on appelle aussi les huguenots, sont privés de droits et persécutés. Les temples sont détruits. Et ceux qui refusent de se convertir, les opiniâtres, sont condamnés à des peines de galère ou enfermés au cachot. Dans les Cévennes, la révolte des Camisards gronde. De nombreux huguenots ont décidé de fuir et se sont installés en Angleterre ou en Amérique. Les enfants ne sont pas épargnés. Au XVIIe et XVIIIe siècle, des centaines d'enfants sont enlevés de leurs familles et enfermés dans des maisons de nouveaux catholiques ou nouveaux convertis. Là, ils sont contraints d'abjurer leur foi. Pour certains, le retour s'avère plus difficile que prévu. C'était comment à Rouen? Les sœurs étaient cruelles? Tu leur as cloué le bec à ces papistes? Arrête, petite sœur. Tu parles trop. Isaac a raison. Louise, laisse-la déguster son repas. Elle répondra après. N'est-ce pas, Madeleine? Oui, maman. Merci. D'abord, tu vas te reposer. Puis je t'amènerai faire un tour. Nous pourrons aller à la mer. Passer chez nos amis et voisins. Nous les saluerons un par un. Chez qui voudrais-tu commencer? Ça m'est égal. Qui tu veux? Elle n'a pas l'air heureuse. Arrête! N'ouvre la bouche que si on te le demande. Madeleine, ton père m'a écrit de Londres. Il transmet toute son affection. Il aurait tellement aimé être là ce soir. J'aurais aimé le voir. Comment? Rien. Ce n'est pas grave. Les chambres, elles étaient sales? Et la chapelle, est-ce qu'il y avait des ornements partout? Laisse un peu de répit. Elle n'a pas envie d'en parler. Pourquoi tu n'es jamais venue? Je croyais que tu me rendrais visite. Si seulement j'avais pu. Je n'avais pas le choix. Les parents de Suzanne sont venus 3 fois au parloir. L'intendant nous surveillait de près. Tu voulais qu'ils envoient des cuirassiers à la maison? Est-ce que tu étais heureuse d'être débarrassée de moi? Madeleine! Comment peux-tu dire ça? C'est la pire des choses qui puisse arriver à une mère. Tu n'imagines pas à quel point j'ai souffert. Isaac, est-ce que ça va? C'est le lapin. J'avale un os. Il faut le taper dans le dos bien fort. Passe-moi de l'eau, Madeleine. Madeleine, dépêche-toi. Tiens. Merci. Tu te souviens de Duvigno, Girard et Defran? Eux aussi partent en Angleterre ce soir. Ils vont amener leur famille. Vous aussi, vous allez partir? Comment? Maintenant que tu es revenu, vous allez partir vous aussi? Qu'est-ce que c'est? À ton avis, Isaac, pourquoi ils m'ont choisi? Comment? Il y a 400 enfants comme moi à Dieppe. Pourquoi moi plutôt qu'une autre? Elle n'a pas l'air contente, pourquoi elle parle de ça? Arrête! C'était les Vautiers. D'autres enfants vont être enlevés. Une vingtaine, sur ordre de l'intendant. Ça va recommencer. Madeleine? Pardon, je suis désolée. Il paraît que c'est l'abbé Brélis qui a donné les noms. Ils ont déjà le cachet du roi. Madeleine! C'est plus fort que moi. Il n'y a rien de drôle à cela. Tu imagines, il pourrait nous prendre Louise. Qui, moi? Ôte-moi d'un doute. Ta conversion à la maison des nouvelles catholiques était bien de façade. Pourquoi moi il me prendrait? Arrête! Maman, est-ce que tu pourrais me faire fabriquer une viole de gambe? De quoi tu parles? Une viole de gambe? Je t'ai posé une question, ma fille. À l'intérieur, tu es restée la même? Une vraie réformée? Hein? Tu es contente de nous retrouver? Oui, bien sûr. Je suis heureuse de vous voir. Le premier jour, je suis entrée dans le réfectoire. Une vingtaine de petites religieuses étaient assises. Personne ne parlait. Une des filles était vieille. On m'a conduite à ma place. Mais la pièce était si exiguë que je frôlais les autres chaises. Lorsque je me suis assise, personne n'a levé les yeux. Il y avait une odeur de renfermé tout autour. Pendant que nous mangions, j'ai dévisagé les autres. Elles semblaient toutes identiques, sans expression, absentes, pas d'accroche où planter mon regard. Leur corps était une enveloppe vide. Elles étaient ailleurs. Puis après quelques jours, l'odeur était partie. Je commençais à m'habituer. Je devenais comme elles. La vie est d'un ennui accablant dans les maisons des nouveaux catholiques. À Rouen, la maison située rue Étoupée est exiguë et mal aérée. Les pensionnaires n'ont pour seul aliment intellectuel que la récitation mécanique des prières et les pratiques religieuses. Les nouvelles converties ne sont pas maltraitées, pas physiquement du moins. Elles vivent sous constante surveillance. Chacun de leurs gestes est scruté, analysé, corrigé. Leur emploi du temps est rigoureux et monotone. L'objectif est d'éradiquer toute forme d'opposition ou d'individualisme. En 1700, la communauté de Rouen accueille 22 pensionnaires qui ont entre 11 et 19 ans, issus de toutes les classes sociales. D'après le règlement intérieur, les filles doivent bénéficier d'une instruction et se convertir avec une liberté et des libérations entières. En réalité, l'éducation qu'elles reçoivent est des plus rudimentaires. Les pensionnaires dorment à l'étroit dans des dortoirs sordides. À l'occasion, elles sont autorisées à voir leur famille, mais ces brèves visites sont elles aussi surveillées. Descends, je voudrais t'emmener quelque part. J'arrive. Où est-ce qu'on va? À l'autre bout de la forêt. Ce sera un spectacle merveilleux, tu vas voir. J'étais là quand c'est arrivé, le jour de ton enlèvement. L'abbé Brélis t'a attiré dans l'église, puis les soldats ont débarqué. J'ai tout vu. Tu étais bâillonné. Je n'ai rien pu faire pour empêcher qu'il t'amène. S'il te plaît. Je t'ai regardé à table ce soir, attentivement. Je sais ce que tu endures. J'imagine à quel point c'est difficile ce retour, ces retrouvailles. Tu entends? Tu te souviens quand nous étions petits? Je venais te chercher tous les soirs. Nous passions des heures à écouter les bruits de la nuit. Je me souviens. Nous jouions. Nous imaginions notre vie plus tard. Tu voulais être avocat? Nous nous tenions la main. Nous faisions semblant d'être mariés. Nous n'avions pas conscience de ce qui se passait autour. Ça ne sera pas facile au début. De te sortir toutes ces vilaines litanies de la tête. De te défaire de ce qu'ils t'ont appris. Tu vas y arriver. En tout cas, je veux que tu saches. Je te laisserai prendre le temps. Le temps ? Oui. Le temps de te retrouver. Et ensuite, nous continuerons notre chemin. Tous les deux. Notre chemin ? Tous les deux ? Tu te souviens de ta promesse ? Tu n'as pas oublié ta promesse ? Tu as accepté de m'épouser ? C'est pour cela que nous étions invités ce soir. Bien sûr que je m'en souviens. Je me suis dit que nous pourrions célébrer cela à l'automne. D'abord à l'église, pour être en règle. Après, nous trouverons un pasteur pour bénir notre union. J'oubliais. Tiens, c'est un cadeau. Pour toi. Qu'est-ce que c'est ? Je ne vois rien. Une Bible. Pour t'aider à retrouver la voie de notre foi. La simplicité. Le dépouillement. Tu vas redevenir huguenote, comme avant. Ça te plaît ? Oui, merci. Où m'emmènes-tu ? À la carrière. Il y a une assemblée. Jean Boivin va la présider. C'est une occasion unique de l'entendre. Il y aura plus de 300 personnes. On y célébrera des mariages. Bientôt, nous y scellerons notre union, à notre tour. Il y aura des chants. Madeleine, où vas-tu ? Je suis désolée. Je ne peux pas. 3 ans ont passé. Madeleine, reviens ! Tu ne peux pas partir comme ça ! Et notre amour ? Je ne suis plus la même. Je ne sais plus. Madeleine ! Reviens ! L'édit de Nantes, signé par Henri IV en 1598, confirmait la religion catholique comme la religion officielle du royaume. Mais la liberté de conscience était absolue et les réformés bénéficiaient d'une liberté de culte. Le 17 octobre 1685, désirant renforcer ses liens avec le pape, Louis XIV a signé l'édit de Fontainebleau qui révoque l'édit de Nantes. Le protestantisme était banni. L'unité religieuse a triomphé en France. Dans les mois qui ont suivi, la pression à la conversion a été intense partout dans le royaume. En janvier 1686, seule une poignée de chefs de famille refusaient encore de signer. Jetés en prison, ils ont vu leurs biens confisqués. En vérité, ceux qui sont restés en France n'ont pas renoncé à leur culte. Des assemblées secrètes sont organisées chez des particuliers et dans les forêts. On célèbre des mariages et on écoute les prédicants. Des centaines de personnes y affluent, notamment au pays de Caux. Tu dois être heureuse d'avoir retrouvé ta chambre. Oui, merci. Cette chambre n'est pas la mienne. Elle appartient à une jeune fille insouciante. Je n'ai rien à faire ici. Je voulais m'excuser pour mon attitude hier à table et te rassurer. Je suis une nouvelle convertie comme toi, fidèle au roi et respectueuse des lois. Je le sais. Et si c'était elle qui m'avait donné ? En échange de la liberté de mon père. Alors, si on venait te questionner à notre égard, c'est ce que tu répondrais, n'est-ce pas ? Qui viendrait me questionner ? Oh, je ne sais pas. Son sourire est figé. Sa voix n'est pas naturelle. Où veut-elle en venir ? Ma pauvre fille, tu as dû te sentir si seule. Toutes ces années. Heureusement, il y avait les sœurs. Rappelle-moi le nom de la supérieure. Sœur Goujon. Ah oui, Sœur Goujon. La vertueuse Sœur Goujon. Eh bien, tu sais ce que j'aurais fait si j'avais été à ta place. Je me serais liée d'amitié avec elle, oui. La Sœur Goujon, histoire d'avoir quelqu'un à qui parler. Et l'abbé Brélis, il passait peut-être lui aussi, pour faire des confessions. Tu as dû lui en raconter des choses. C'était l'abbé Brélis qui m'a enlevée, maman. Que voulais-tu que je lui dise ? Oh, je ne sais pas, des choses. Il a pu te faire des promesses. Des promesses ? Oui, en échange de quelques renseignements. Sur les réformés de Dieppe, par exemple, ou bien sur ta famille. Son visage est un masque. Ma propre mère, je ne la reconnais pas. Nous sommes très heureux de te retrouver, Madeleine. Nous aussi, nous aurons besoin de ton aide. Oui. Tu as dû entendre les sœurs discuter entre elles. N'as-tu rien entendu qui puisse nous servir, le nom des enfants, par exemple ? Non ! Ça va recommencer, tu le sais, Madeleine ? Ils viendront la nuit, 5 ou 6 cavaliers, c'est ce qui s'est passé à Crossy. Ils démoliront la porte à la hache, ils fouilleront les appartements, ils enlèveront les livres. Puis ils s'approcheront des enfants. Ils les bâillonneront pour étouffer les cris. Ça suffit ! Je n'ai rien entendu, rien. Je peux sortir maintenant ? Où veux-tu aller ? À la plage. Mais il fait si froid. Ma chérie, tu pourrais t'enrhumer. Il vaut mieux que tu restes là aujourd'hui. Tu sortiras quand tu seras remise sur pied. Mais pas toute seule, n'est-ce pas ? Tu risquerais de te perdre en ville. Je t'accompagnerai. Je peux avoir ce que j'ai demandé. Qu'est-ce que tu as demandé, ma fille ? Quelques semaines après mon installation dans la maison, Suzanne est arrivée. Elle était de famille noble. « Ce n'est pas un couvent, c'est une prison », s'est-elle exclamée quand elle a vu les paillasses du dortoir. Au réfectoire, ses yeux étaient rougis par les pleurs. Je l'ai saluée quand elle s'est assise à ma table. Je lui ai demandé pourquoi elle était triste. « Je ne peux pas garder ma viole, il n'y a pas de place ici. » Sexte, nonne, vêpres, matine, laude. Au dortoir, son lit est à côté du mien. Le soir, j'ai appris qu'elle était musicienne. Elle m'a parlé de la viole, le plus naturel des instruments. Sa force et sa douceur qui la rapprochent de la voix humaine. « Quand je joue, je me sens libre », m'avait-elle dit. C'est exactement ce qu'il me fallait. Je lui ai demandé de me montrer, avec une viole de gambe imaginaire. Elle s'est assise sur une chaise. Ses mouvements de bras étaient amples. Une musique silencieuse s'est faite entendre. Elle emplissait la maison des nouvelles converties. On n'entendait plus le ronflement des filles. « Je voudrais jouer, moi aussi », je lui ai dit. Elle guidait tous mes gestes. L'avant-bras accompagne le poignet, la main du manche bien arrondie, et je sentais que je progressais. Après quelques semaines d'exercice, j'étais capable de faire une gamme entière, bientôt des arpèges. « Moins fort », me disait-elle, « elle pourrait nous entendre. » Et nous rions en silence. Ce sont ces rires et cette musique qui m'ont permis de tenir. Isolés de leur famille dans ces institutions, sans savoir quand ils sortiront, les enfants plongent souvent dans un grand désarroi. La discipline y est stricte. Les règlements intérieurs sont imprécis, ce qui rend possible tous les excès. À la Salpêtrière, à Paris, les filles côtoient des prisonnières de droit commun, des mendiantes et des prostituées. Pendant leur séjour, les enfants ont été endoctrinés et dressés contre leurs parents. Souvent, lorsqu'ils reviennent dans leur famille, ils ne partagent plus leur religion. Certains sombrent alors dans la dépression. Madeleine ? Madeleine ? Madeleine ? Madeleine ? Qu'est-ce qu'elle a ? Madeleine ? Elle n'a pas l'air normale. Depuis qu'elle est revenue, je ne la reconnais pas. Madeleine ? Viens avec moi, Madeleine. Je trouverai un pasteur pour sceller notre union. Qu'est-ce qu'elle a, Madeleine ? Elle n'a pas l'air contente d'être avec nous. Je t'ai amené une Bible. Tu vas redevenir une huguenote. Tu as dû en raconter des choses à la sœur Goujon. Madeleine. Est-ce que tu as parlé de moi ? Elle ne dit rien. Madeleine. Madeleine. Madeleine ? Madeleine ? Pourquoi tu ne réponds pas, Madeleine ? Laissez-moi seule. C'est marée haute. La mer est déchaînée aujourd'hui. Toutes ces voix, ces vies différentes. Et si je sautais ? Plus de catholiques ou de huguenots. Plus d'avant ou d'après. Plus d'eux. Plus de nous. Éloigne-toi de là. Tu es trop près du bord. Recule, c'est dangereux. Monsieur l'abbé ? Nous nous connaissons, n'est-ce pas ? Tu es Madeleine. Oui. Nous ne nous sommes pas vus depuis longtemps. Depuis ce jour, à l'église. Tu te souviens ? Je t'ai vue depuis la route. Oh, mais tu trembles, mon enfant. Le vent est glacial aujourd'hui. Tiens, prends mon manteau pour te réchauffer. Vas-y, prends-le. Merci. J'ai beaucoup pensé à toi. Depuis ta sortie, seule, parmi les hérétiques. Vous saviez que j'étais sortie ? Tu es très importante à mes yeux. J'ai suivi tout ce que tu as fait à la maison des nouvelles converties. Ta résistance, ton abjuration. Mes sœurs m'ont longuement parlé de tes progrès. Je me suis senti proche de toi. Maintenant, ta place est avec nous. Avec vous ? Tu auras un rôle important à jouer. Je t'expliquerai. Mais d'abord, je voudrais que tu rencontres quelqu'un. Madeleine ? Tu m'entends ? Oui. Où allons-nous ? Un fiacre nous attend en haut du chemin. Veux-tu m'accompagner ? Oui. De tous les acteurs de la répression huguenote, les curés sont parmi les plus intransigeants. Ils signalent régulièrement aux intendants les mauvais convertis, notamment ceux qui refusent l'extrême-onction. Ceux-là sont coupables de relapse. La loi prévoit que leur corps soit traîné sur la claie et jeté à la voirie. Le peuple catholique est bien plus tolérant que le clergé. Certains habitants refusent de dénoncer leurs voisins protestants. Mais les huguenots de Dieppe n'oublient pas qu'en 1685, les bourgeois catholiques les ont livrés aux soldats du roi, réclamant qu'ils soient brûlés à la moelle. Ça te plaît ? Tu voudrais que je joue autre chose ? Pourquoi est-ce que l'abbé m'a amenée ici ? Je suis sa nièce, Anne. Il pense que nous pourrons devenir amies. Je suis une bonne catholique comme toi. Tu aimes cette chaise ? Elle est magnifique. Regarde les décorations. Cette finesse, ces dorures. Tout est d'époque Louis XIII. Avec maman et papa, il ne saurait en être autrement. Est-ce que tu veux t'asseoir ? Je ne sais pas si Vas-y. J'ai le temps. Merci. Alors, c'est comment ? Tu te sens majestueuse ? Oui. Elle a coûté une fortune. Et mon tableau ? Tu aimes bien mon tableau ? Papa me l'a ramené d'un voyage à Florence. Il est beau. Tu ne dois pas voir souvent d'aussi jolies choses. Je veux dire, pardon. On sait bien que vous, les nouveaux convertis, vous n'êtes pas friands d'art, de culture. Comment s'appelait-il ce vilain monsieur en noir qui détestait la musique ? Jean Calvin. Voilà, c'est lui. Pourquoi me parles-tu de tout ça ? Madeleine, la vie peut être si simple. Une famille, de beaux objets, un fiancé, tout ça pourrait être à toi. Je ne comprends pas. Imagine comme ce serait apaisant. Sans toutes ces interdictions, ces assemblées sordides au fond des bois. Qu'est-ce qu'on attend de moi ? Rien. Pas grand-chose. Que tu passes nous voir de temps en temps. Que tu te confies à nous. Que tu nous donnes quelques noms. Des noms ? les religionnaires qui éduquent mal leurs enfants, les plus opiniâtres, ceux qui organisent les assemblées nocturnes. Tu comprends ? Oui. Alors c'est parfait. Je savais que nous nous entendrions. Comme mon oncle va être heureux, veux-tu que je te joue un air de clavecin ? Qu'est-ce que c'est ? Sans doute une de ces prophétesses. On en voit de plus en plus. C'est une enfant. Les soldats la traînent sur le sol. Elle a mal. Bon, ça suffit. Ne regarde pas. Est-ce que tu voudrais entendre du couperin ? Il ne faut pas laisser pousser les mauvaises herbes. Ou Dieppe ressemblera bientôt aux Cévennes. C'est ce que papa dit toujours. Tu sais que là-bas, les paysans se prennent pour des ducs. Les illettrés se proclament curés. Ils prétendent nous expliquer la Bible. C'est le monde à l'envers. Ils sont complètement insoumis. Ah, voilà, c'est fini. Qu'est-ce qui va lui arriver à cet enfant ? Oh, je ne sais pas. Ça t'intéresse ? Oui. J'imagine qu'ils la jetteront en prison, ou bien ils lui raseront les cheveux. Et voilà, c'est fini. Ça t'a plu ? J'ai une idée. Je pourrais t'apprendre. À jouer ? Ne sois pas timide. Tout le monde peut y arriver, même une nouvelle convertie comme toi. Mets-toi à côté de moi. Regarde comment on positionne ses mains sur le clavier. Madeleine, est-ce que ça va ? Je dois y aller. Il est tard. Et mon fiancé ? Je voulais te montrer son portrait. Du jour au lendemain, les parents de Suzanne ont cessé de venir. Ils avaient fui vers l'Angleterre. Pourtant, elle les attendait toujours dans le parloir. Personne n'avait songé à lui dire. Elle a refusé d'y croire au début. Elle passait de longs moments le regard perdu dans le vide. Les sœurs ont fini par perdre patience. Elles lui ont mis un bonnet d'âne pour la faire réagir. Ça a marché. Le lendemain, elle a décidé de s'enfuir. Elle m'a demandé de l'accompagner. Elle projetait d'enjamber le mur depuis la cour. J'ai refusé. Bien m'en a pris. Elle a déchiré sa robe en grimpant. Elle a été ramenée 2 heures plus tard. La semaine suivante, elle a recommencé. 2 nouveaux reprises. Cette fois, les sœurs l'ont mise au cachot. À sa sortie, elle a commencé à dépérir. Elle perdait goût à tout, y compris à la musique. 2 mois après, Suzanne était morte. Quelques jours avant, j'ai réussi à lui parler. Les sœurs avaient le dos tourné et je lui ai présenté des excuses. Si seulement je l'avais accompagnée. Elle m'a dit qu'elle me comprenait. Elle aurait agi de même à ma place. Allongée dans le dortoir, amaigrie et blanche, elle m'a demandé de jouer pour elle. N'importe quoi, pourvu que ce soit enjoué. Je lui ai joué un air imaginaire. Quand j'ai terminé, elle a souri. L'élève a dépassé le professeur. C'est la dernière fois que je l'ai vue. Madeleine, te voilà. Tout le monde te cherche. Où étais-tu passée ? Suzanne, la prophétesse, toutes ces femmes innocentes que je n'ai pas pu sauver. Où vas-tu ? À l'église. Je dois en finir. Dis-moi, ce sont bien Gérard, Duvigneau et Defrane qui ont fui le pays. Oui, mais que vas-tu faire à l'église ? Madeleine, reviens ! L'église Saint-Rémy, au centre de Dieppe. La rosace et les vitraux sont traversés de lumière. Madeleine, réfléchis. Tu n'as rien à faire là-dedans. Viens, nous allons discuter. Laisse-moi passer ! Mais Madeleine ! Arrête, je te dis. Je dois voir l'abbé. Enlève-toi de mon passage ! Rentre à la maison. Ta mère a besoin de toi. Ma mère ? Mais je la tiens en horreur. Elle m'a éloignée de ma vraie famille. Toutes ces années de mensonges. Elle m'a élevée dans le péché et l'hérésie. Madeleine ! Tu voulais me voir, mon enfant. Cette maison est la tienne. Viens à l'intérieur. Qui est ce jeune homme ? Personne. Un pauvre air qui s'est mis en tête que j'avais des sentiments pour lui. Mon père, j'ai eu une révélation tout à l'heure. J'ai compris que je m'étais dévoyée toutes ces années. Je voudrais vous remercier. Vous avez tant fait pour moi, tous ces égards, ce merveilleux séjour à la maison des nouvelles converties. Comment puis-je vous rendre ce que vous m'avez donné ? Ce n'est pas moi que tu dois remercier, mon enfant. C'est Dieu. Mais que puis-je lui offrir ? Ma conversion est si récente. Et si Dieu s'était détourné de moi ? Ce sont tes actes qui te sauveront. Tu dois mériter son amour. Mais à l'exception de quelques noms, je n'ai rien. Des noms, mon enfant ? Quels noms ? Ceux des hérétiques de Dieppe ? Oui. Ceux qui organisent les assemblées nocturnes ? Ceux-là même. Mais c'est excellent. Dieu sera ravi de cette contribution. Mais il y a autre chose que je dois vous dire aussi. Et qu'est-ce que c'est ? J'ai compris que j'étais prétentieuse et vaine. Ah oui. Oui. J'ai cru que je pouvais me passer de l'Église, qu'à moi seule je pouvais déchiffrer la Bible. Que de sottises. Bon, veux-tu me donner les noms ? Ceux des hérétiques ? Oui, mon enfant. Je t'écoute. Girard. Duvigneau. Defran. Voilà. Tu es sûre ? Sûre et certaine. Ça ne m'étonne pas. Je ne les vois jamais à la messe. Merci, mon enfant. Grâce à toi, ils seront bientôt aux galères. Mon père, puis-je vous poser une question ? Ce que tu veux. Il y avait des centaines d'enfants huguenots à Dieppe. Pourquoi moi ? C'est ta pureté. Elle était saisissante. Je l'ai remarqué dès que je t'ai aperçue. Tu étais différente des autres enfants. Une bougie exposée au vent. J'ai voulu imprimer ton cerveau avant que tu ne vacilles. Et tu ne m'as pas déçue. Pendant 3 ans, j'ai refusé qu'il te libère. Malgré les lettres de ta mère. Les lettres ? Oui. Elle nous suppliait d'avoir pitié. Elle a écrit à tout le monde. À l'intendant, à l'archevêque. Merci. Avant de partir, monsieur l'abbé, puis-je vous poser une dernière question ? Les enfants qui seront enlevés, pouvez-vous me dire les noms ? Les noms ? Oui, de ces âmes égarées. Je voudrais tant aider leur famille. Est-ce que c'est mal ? Non, pas du tout. Laisse-moi réfléchir. La place du marché. Oui, nous allons prendre ceux de la place du marché. Merci. Merci, mon père. Maman ? Madeleine, qu'as-tu fait ? Isaac m'a raconté. Tout est de ma faute. Quand ton père est parti, j'ai voulu continuer comme avant. Mais au fond, j'avais peur. Peur de tout. J'ai abandonné mon enfant. J'aurais dû venir te voir. Mais comment as-tu pu faire ça à nos amis ? Ils ne t'ont rien fait, Madeleine ! Ils étaient innocents ! Tu ne comprends pas. Ils sont déjà partis. Ceux que j'ai désignés. Ils ont fui le pays hier soir. J'ai menti pour sauver les nôtres. Je sais quels enfants ils vont prendre, maman. L'abbé m'a donné les noms. Les noms des enfants ? Oui. Nous devons prévenir leur famille. Ma fille. Mais l'abbé, il va se douter. Il saura que tu as menti. Il viendra te chercher. Il t'enfermera de nouveau, là-bas. Et si nous partions ? Nous aussi rejoindre papa. C'est une excellente idée. Oui, le moment est venu. Au fait, J'ai appris pour les lettres, maman. Celles que tu as envoyées. Je sais que tu as fait tout ce que tu as pu. Nos chemins vont se séparer, Isaac. Demain, nous partons. J'ai hâte que tu sois en sécurité. Tout ne s'est pas passé comme prévu entre nous. Moi aussi, j'ai décidé de partir. Pas en Angleterre, mais dans les Cévennes. Je vais rejoindre des Camisards. Ce que tu as fait m'a donné envie de me battre. J'aurais aimé que tu m'accompagnes, mais c'est trop dangereux. Nous nous retrouverons peut-être un jour, Isaac. Entre 1685 et 1715, 180 000 Français protestants quittent la France. Beaucoup s'installent à Londres dans le quartier de Spitalfields. Ils fondent des églises et apportent leur savoir-faire à la vie économique et culturelle du pays. Au fil des années, ils s'intègrent à la population locale. Les enlèvements d'enfants protestants dureront jusqu'à la Révolution. En 1792, les dernières sœurs partiront de la maison des Nouvelles catholiques de Rouen, avant que celle-ci ne soit définitivement fermée. Ils sont tous là, de l'autre côté de la porte. Ma mère et mon père, la petite Louise, tous les invités. C'est moi qu'ils sont venus entendre. Ma viole de gambe est là aussi, posée sur la chaise. Je la retrouverai dans quelques instants. La première fois que je l'ai eue entre les mains, c'était une découverte et des retrouvailles. Les mains arrondies, des mouvements longs et amples, le plus naturel des instruments. Je dois me concentrer sur le premier morceau, réfléchir à toutes ces difficultés. Comme j'aurais aimé que vous soyez là, Suzanne, Isaac. La France me manque, mais ici nous pouvons exprimer notre foi. Plus de bruit. Ils m'attendent. Mon concert est sur le point de commencer. Est-ce que j'entre ou j'attends qu'on vienne me chercher? Et eux, que vont-ils voir? Viens, Madeleine. Nous t'attendons. Madeleine, huguenote et convertie, un texte de Tadi McNamara avec Agathe Le Bourdonnec, Madeleine, Aline Nebert, Jeanne, Gérard Cherki, l'abbé Brélis, Samuel Charles, Isaac, Françoise Cousin, Anne, Zoé Bémond de Senneville, Louise et au clavecin, Pascal Volant. Bruitage Bertrand Amiel, documentation musicale Romain Couturier, prise de son, montage et mixage Olivier Dupré et Emmanuel Armin, assistante à la réalisation Yaël Mandelbaum, réalisation Laurence Courtois. Dans quelques minutes, on retrouve l'historien Jean Bobéro. Autant en emporte l'histoire jusqu'à 22h sur France Inter. Rester la nuit pour observer les étoiles, coucher sur le dos dans le frais du gazon, ça suffirait parfois pour qu'au-delà des illusions, on puisse se dire y a de bons moments quand même. Se lever quand la brume étendra ses voiles, au jardin bleu dont on ne voit même plus le fond, faire quelques pas et regarder jusqu'à l'horizon, où l'on sait qu'au-delà quelqu'un vous aime. Je le sens bien déjà, c'est une belle journée pour moi. Et toi, ça va, ça ne dure pas, c'est pas fait pour ça, c'est une belle journée pour moi. Ça n'est pas bon, c'est vrai, mais ça fait du bien. ne pas avoir à être dispo pour trois fois rien, laisser couler les heures à la pendule, au dernier feu tout au loin d'un ciel immense, guetter le tout dernier rayon vert du soir, et tout là-haut voir passer ton avion rouge et noir. Tu me reviens, je me dis que j'ai de la chance. Alors finira une bien belle journée pour toi et moi. Ça va, on aura, qui vivra verra, bien d'autres journées comme ça. Journée, William Scheller sur France Inter. Autant n'emporte l'histoire, une émission réalisée par Antoine Dabrowski, assistée de Christiane Alain Favre. Programmation musicale Djoubaka, la technique Mehdi Fatah. Alors Jean Bobéreau, vous venez d'écouter l'histoire de Madeleine, cette jeune fille élevée dans une famille protestante de Dieppe au XVIIIe siècle, enlevée à sa famille suite à la révocation de l'édit de Nantes. Des histoires comme celle-là, il y en a eu beaucoup. Alors avant de vous répondre, je voudrais d'abord dire que j'ai trouvé que c'était un très beau texte, et la personne qui joue Madeleine le rend très bien, et donc Agathe Le Bourdonnec, oui. Oui, je voudrais rendre hommage effectivement et à l'auteur et à son interprète. Oui. Alors effectivement, des histoires comme ça, il y en a eu beaucoup. On jouait en tout cas les enfants contre les parents. Certains voulaient à tout prix obliger les adultes à faire profession au public de foi catholique. Donc, mais le viol des sacrements choquait même des curés eux-mêmes. Bon, et donc l'idée, c'était de dire la génération actuelle est perdue, mais celle des enfants sera éduquée catholique et ce seront de bons catholiques. Avec tout ce que l'histoire montre bien, c'est-à-dire que on rend parents et enfants ennemis. Ennemis, ouais, on crée la suspicion dans les familles, on brise les familles. Oui, donc les enfants étaient vraiment utilisés comme des appâts. Oui, mais ce n'était pas la finalité, c'était un moyen pour arriver à cette unité de foi, pour arriver à ce que tout le monde soit catholique. Donc les moyens étaient cruels, mais aux yeux des persécuteurs, des bourreaux, ils étaient justifiés par l'idéal de la fin. Donc c'était la fin justifie les moyens, ce qui montre bien les bourreaux toujours des justifications. Il faut se méfier de l'adage « la fin justifie les moyens ». Et des maisons de convertis comme celle de Rouen, on a entendu cette histoire qui se passe à Rouen, mais il y en a eu dans toute la France. Oui, il y en a eu dans les grandes villes. Celle de Bordeaux non seulement a été fermée sous la Révolution, mais elle a été donnée comme lieu de temple pour les protestants tant qu'ils n'en avaient pas. Bon, donc c'est une ironie de l'histoire. Il y a eu toute une politique, si vous voulez, de conversion forcée même. Alors, le paradoxe, c'est qu'effectivement, le règlement intérieur dit la conversion est libre. Donc, on prétend que, bien sûr, on est dans la liberté de conscience et en fait, on la viole complètement. Alors, avec le fait, et c'est très bien rapporté par cette histoire, qu'on est dans un pays qui est proche de l'Angleterre. Et donc, effectivement, la Normandie protestante, oui. C'était une grande province protestante, et maintenant, on l'a oublié parce que les gens sont partis. Dans les Cévennes, ils ont résisté, mais en Normandie, c'était très facile de partir en Angleterre. Alors, il y en a qui sont partis déjà avant 1685, il y en a qui sont partis après 1715, mais effectivement, le pic, ça a été entre la révocation et la mort de Louis XIV. Donc ces nouveaux convertis, donc ces protestants qui prétendent être catholiques, se réunissent malgré tout, on l'a entendu, dans des forêts, dans des assemblées du désert, comme on dit, pour vivre leur foi. Ça a vraiment existé aussi, ça, partout. Ah oui, tout à fait. Alors, C'est les plus connus, c'est effectivement dans le Midi, dans les campagnes plus désertiques, mais ça existait un peu partout. C'est-à-dire que dès que la pression se relâchait, les gens reprenaient leur vie religieuse traditionnelle, la vie religieuse qu'ils avaient jusque-là. Ils tentaient de jouer un double jeu, d'apparaître catholique plus ou moins au dehors. Et bon, c'est ce qui a existé également pour les Juifs. Hein. Quand on parle des maranes, c'est exactement ça. Des Juifs qu'on obligeait à être chrétiens au Moyen-Âge et qui continuaient à pratiquer en secret. Et alors, on entend aussi qu'au moment de la mort, donc si d'anciens protestants refusent l'extrême onction, leur corps va être jeté à la voirie. C'est effectivement le châtiment suprême et qui symboliquement attriste ou affole le plus les gens, parce que c'est aussi symboliquement dire que la personne ne va pas pouvoir aller au paradis et va aller retirer en enfer. Donc il y a un enjeu à la fois matériel, mais aussi un enjeu très fort au niveau du symbolique. L'histoire montre bien aussi que les gens maintenant sont devenus officiellement catholiques, mais ils peuvent pas être catholiques comme les autres. Hein, oui. On les oblige d'être catholiques, mais en même temps, ils sont des nouveaux convertis et donc ils continuent à être suspects. Et on va comme ça de suspicion en suspicion et on ne sait jamais où ça s'arrête. Donc cette situation va durer jusqu'à la Révolution française, jusqu'en 1789. Et est-ce que les protestants... Alors avec des moments un peu où ça se calme et puis des moments où ça revient, le fait que c'est continué dans le 18e siècle... est vraiment ahurissant, parce que dans le 18e siècle européen, au contraire, dans les autres pays, il y a des formes de tolérance qui progressent. Bon. Oui, et puis et la France, c'est le siècle des Lumières, enfin, ça semble ahurissant que cette... Il y a un édit de Louis XV de 1724, par exemple, qui est aussi féroce que l'édit de révocation, et puis en 1745 également, on reprend la répression et jusqu'aux années 1770. C'est en 1770 que les choses se calment un peu, mais encore en mars 1789, il y a un pasteur qui, ayant célébré un mariage mixte, doit s'enfuir parce qu'il va être mis en prison. Donc cette situation perdure jusqu'à la Révolution française. Qu'est-ce que la Révolution française 1789 va changer fondamentalement pour les protestants ? Alors, il y a vraiment deux phases dans la Révolution française. Il y a une première phase où, effectivement, les choses changent, c'est-à-dire que la Déclaration des droits de l'homme est encore ambiguë. Elle dit que nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu de ne pas troubler l'ordre établi par la loi. Mais l'ordre établi par la loi, à l'époque, c'est qu'il n'y a qu'un seul culte, donc on ne sait pas trop comment ça va tourner. Mais rapidement, quand même, la tendance à la liberté de conscience l'emporte. Et la Constitution de 1791 parle du fait que chaque citoyen peut pratiquer son culte. Bon. Mais malheureusement, dès 1792-1793, à la suite du conflit entre l'Église catholique et la Révolution, les choses vont tourner contre toutes les religions. Et en 93-94, non seulement le catholicisme, mais le judaïsme et le protestantisme sont considérés comme du fanatisme et de l'intolérance. Et il y a de nouveau une répression. Il y a de nouveau des pasteurs qui sont pourchassés, il y a de nouveau des gens qui n'ont plus le droit de faire leur culte, etc. C'est pas aussi grave, si vous voulez, pour les protestants que pour les catholiques. Mais malgré tout, il y a une répression anti-protestante, alors que les protestants étaient très favorables à la Révolution dans la première phase. Merci beaucoup Jean Bobéro de nous avoir rappelé ces épisodes méconnus de l'histoire de France. Je rappelle que vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages sur le protestantisme, notamment un ouvrage de référence qu'il est toujours, l'histoire du protestantisme, chez PUF, dans la collection Que sais-je. Autant en emporte l'histoire est terminée pour aujourd'hui. L'émission est bien sûr réécoutable, podcastable sur notre site franceinter.fr. Vous pourrez aussi écouter et écouter les émissions que vous avez peut-être ratées. Apollinaire a volé la Joconde, Victoria et Teresa suffragettes, ou Gertrude Bell, archéologue aventurière ou agent secret, et bien d'autres encore. Et bien sûr, j'attends vos commentaires sur le site de France Inter et sur la page Facebook de l'émission. Dimanche prochain, c'est dans un univers tout à fait différent que je vous emmène, en Auvergne. Auvergne, sous l'occupation, je vous raconterai l'évasion spectaculaire en 1943 de résistants à la prison du Puy-en-Velay, un épisode longtemps gardé secret, entretenu jusque dans les années 90 par le Parti communiste, puisque suite à cette évasion, 4 trotskistes ont mystérieusement disparu. Dans quelques minutes, vous avez rendez-vous avec Soro Solo pour l'Afrique en solo. Très bonne soirée à tous.